je vous souhaite le bonsoir. Sans effet, avec ma voix, avec un petit délai. D'accord, c'est bien. Maintenant, j'essaye de pas mettre de la batterie sur la batterie des autres.